Bonjour, mesdames et messieurs. Vous écoutez toujours La Marge, le 89.3 FM CISM. Et vous l'aurez remarqué par cette introduction qui manquait totalement de classe que vous écoutez Plectrum, la grande traversée du jeudi en ma compagnie André Péloquin. Profitez-en, par exemple, car votre calvaire s'achève. Aujourd'hui, c'est la dernière édition à vie de Plectrum, car non, je ne me suis pas fait renvoyer de CISM encore. Ça a l'air, je n'ai pas encore trouvé la combinaison de mots à dire en onde pour me faire foutre à la porte. Et non, c'est tout simplement parce que je suis malade et j'ai une grippe terminale et je devrais mourir d'ici la fin de l'émission. Alors autant partir, comme dirait Jon Bon Jovi, in a blaze of glory! Alors débutons dès maintenant avec un petit peu de rush et roule francophone pendant cette émission de 2 heures de délire musical et de moi qui va chialer parce que j'ai une grosse grippe d'homme et que je viens quand même en studio pour te faire plaisir à toi public qui s'en fout totalement de ma santé tant que cette petite dose de Malajube là, puis de Ghislain Poirier, le public il est content, mais la santé de l'animateur ça, il s'en fout. On va débuter dès maintenant avec les Breastfeeders, deuxième extrait de ce maxi, tout va pour le mieux dans le pire des mondes, une espèce d'amuse-gueule en attendant l'album de ressortir à la mi-août. On va aussi avoir 3 pièces tirées du répertoire psychédélique des années 60 en France. On va avoir du Pussycat, du France Gall et du Chantal Goya. Si vous voulez avoir plus de détails sur la programmation, je vous invite à consulter le site web de la station cism893.ca. Il y a aussi mon site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. Et si tu as un iPod, eh bien, va sur le pod modernisme, podmodernisme.blogspot.com et tu devrais être agréablement surpris. Alors, en attendant que je compte les dernières minutes de mon existence, on débute dès maintenant avec Pousse-toi les Breastfeeders sur la marge 89.3 FM CISM. Pourtant

De mourir, puis j'anime une émission de radio. Ah, wesh! Bonjour tout le monde, c'était toujours la marge de 83 FM, CISM, c'est un André Péloquin au bout de l'agonie ici qui vous parle. Dernière édition de Plectrum à vie, car j'ai une grippe terminale et je meurs la semaine prochaine. Mais en attendant, vu que tu t'en fous complètement de ma santé et que tu ne feras jamais de don à la fondation et au tournoi de golf qui suivront mon existence, eh bien je vais te présenter les pièces qu'on vient d'entendre, une espèce de public imbu de lui-même. On vient terminer avec la douce Chantal Goya et sa pièce Une écharpe, une rose. C'est tiré de la compilation les années 60. Un peu avant, on avait France Gall avec Le temps de la rentrée, tiré de l'album Baby Pop. Un peu avant, Pussycat avec Baba Buff, tiré de la compilation Ultra Chicks Volume 2. Et on a débuté avec un extrait du maxi Tout va pour le mieux dans le pire des mondes des Breastfeeders. C'était une reprise en français des Sinners. C'est la pièce Pousse-toi. On va poursuivre maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. On va avoir deux mashups de DJ Sebwax et de DJ Zebra qui vont entre autres s'attaquer à des pièces de Block Party et de Catherine. On va aussi avoir la bombe de numéro Lâche ton style et une pièce toute jolie, toute cute de prototype qui s'appelle Dis-moi. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre à plectrumcism@hotmail.com. C'est mon adresse courriel. J'ai aussi un site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. CISM aussi a un site web. Vous pourrez, entre autres, y trouver les archives des émissions diffusées ici. C'est au cism893.ca et j'ai une balade de diffusion, c'est le podmodernisme.blogspot.com. C'est un iPod et un logiciel iTunes. C'est le match parfait. Là-dessus, je vais prendre ma tension artérielle, mais hey! Avis aux fans des Breastfeeders qui se sont délectés de la pièce qu'on a entendue en début d'émission. Il sera en concert à la Saint-Jean le 23 juin prochain au Parc Molson en compagnie des Dale Hawerchuk. On débute dès maintenant avec un banquet parfait de DJ Sebwax sur la marge. André Péloquin est en train de mourir dans vos oreilles! Ouais! Ce matin, j'imagine un dessin sans nuage, avec quelques couleurs. excuse-moi, j'ai éjaculé dans tes cheveux à un moment inadéquat. Je ne croyais pas que ça partirait, mais quand tu fais des trucs comme ça, je ne peux pas m'en empêcher. Pourtant, j'essayais de penser à autre chose. À une chaise qui attend dans la salle d'attente du docteur. Je pensais à elle la nuit quand il n'y a personne dessus. Il faut penser que c'est l'hiver et qu'il fait froid. Parfois je pense à ma grand-mère qui est tout là-haut dans le ciel et qui m'offrait des gâteaux tous les dimanches après-midi avec une drôle d'odeur. Parfois je pense à la déclaration du président de la République tous les 14 juillet en direct de l'Élysée. Parfois je repense à cet homme qui me réclamait de l'argent en République dominicaine et moi qui faisais semblant de ne rien voir et qui dansait en maillot de bain dans la rue parce que j'étais bourré. Right on the radio. Parfois je pense à l'accident sur la RN 137. J'étais témoin de l'accident, j'entendais des cris inhumains. Je voyais le sang sur la route et je ne savais pas quoi faire. Je pense à la chaise, je pense à ma grand-mère, je pense au président, je pense à cet homme, je pense à l'accident. Parfois je pense à tous les gens qui sont au bloc d'opération, exactement au même moment où je vais éjaculer trop précipitamment. Mais ça n'est pas suffisant de penser à ça quand tu fais des trucs comme ça. Mais ça n'est pas suffisant de penser à ça quand tu fais des trucs comme ça. Alors excuse-moi. Alors excuse-moi. Alors excuse-moi. Alors excuse-moi. Right on the radio. Won't you give me some more? Riot, riot. We'll be right back. ça ne passe pas. Un sourire de façade, les vitres du tracas. Tu sais que la banane, ça ne s'apprivoise pas. Alors dis-moi, dis-moi tout. La mort de l'univers dont je... Ben quoi, si le petit Jérémy peut chanter, moi aussi. André Péloquin à l'article de la mort, mais fidèle au combat et qui te niaise en direct de son émission de radio Plectrum, la grande traversée du jeudi. On vient de terminer ce deuxième bloc de cette dernière émission de Plectrum, car je prévois mourir d'une grippe terminale à la fin de cette émission. On vient de terminer avec une gentille toute petite pièce des prototypes. C'était 10 mois, tiré leur excellent album Mutant Médiatique. Un peu avant, on avait Numéro avec la Ton style tiré de leur démo qui est finalement dans notre discothèque. Pour les fans de Numéro, eh bien, faudra attendre au 4 août avant de les voir se produire en concert à Montréal, car un des membres est présentement en France, en train de coloniser le vieux continent. Il sera en concert, dis-je, le 4 août au Divan Orange en compagnie de ces dangereux psychopathes hip-hop-esque Omnicrom. Ça promet. Un peu avant, on avait du DJ Zebra avec la pièce Dead Catherine, qui est un mash-up d'un instrumental des Dead 60s et d'une pièce de Catherine, évidemment. Et on a débuté avec de la Bastard Pop de DJ Sebwax, de la pièce Un Banquet Parfait. C'est un mash-up d'une pièce de Ilona et de Block Party. On va poursuivre maintenant avec des trucs un petit peu plus hip-hop. C'est ici, pour les habitués de l'émission, ils savent que lorsque je parle de hip-hop, j'ai l'habitude de mixter comme une jeune fille de 14 ans et que je crie, mais comme j'ai la grippe du siècle, et bien quand j'essaie de crier, tout ce que ça fait, c'est et c'est pas très viril parce que, et en plus, ça fait mal à mes cordes vocales qui saignent déjà. Alors, pour vous résumer brièvement ce qu'on va entendre, beaucoup de trucs froncés de France. On va avoir entre autres du Yel qui, à chaque fois que ça joue à CISM, les téléphones et les garçons s'excitent. On va aussi avoir du Charlie Green. On va aussi avoir Amélès et j'espère que cette chanson va devenir un hit cet été parce que les pièces hip-hop qui parlent de Kalinours, il n'y en a pas assez. Et Amélès se penche sur cette thématique. Et pour terminer ce bloc, on va avoir du Nulls découvert avec leur tube licence complète. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des dons ou du sirop pour la toux, acheminez-moi tout ça à plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site web, c'est le plectrumcism.blogspot.com. CISM La Marge a aussi un site web, c'est le cism893.ca. Vous y trouverez là-bas des biographies de tous nos animateurs. Cliquez sur Geneviève Venn, qui est ma muse. Et on débute dès maintenant avec Shardy Cuisy de Yel. Sur la marge, 89.3 FM, CISM, la radio qui laisse ses bénévoles mourants animés quand même. Cuisinier avec ton petit sexe entouré de poils rouges, je n'arrive pas à croire que tu puisses croire qu'on veut de toi. Je n'y crois pas même dans le noir, même si tu gardes ton pyjama, même si tu gardes ton peignoir en forme de t-shirt ringard. Garde ta chemise, ça limitera les dégâts, bâtard. Te voir dans un film pornographique en action avec ta vie. bruit pour Charlie Green. Yo, yo, ok, ok. Yo, les filles en ont marre de ces rappeurs nazes. Ok, donc revoilà l'équipe, le style que tu critiques. Ce qu'on fait, c'est de la Air Force Collector sur 10. Je te mets quand une prise, une piste, sans effet et une grille. Refondée et sans flip, mat, mais tout fait peur. Mais doute les leurs, écoute leurs pleurs. Ils attendent tous leur tour comme une boule de flipper. Mais récolte des coups et des gouttes de sueur. Ils ont tous les boules face à mon style de tueur. Charlie Green, c'est stupeur, fureur. Mais j'aimerais bien être un super bisounours. Embrasse-moi sous la choupe et dans le coumis. Sais-tu que je suis fan des bisous dans ta joujou à touche, touche. Ferme les yeux que je t'embrasse sous la bouche. Finissant par mélanger nos langues. Ta salive, je la goûte tes baisers. Son doux pas comme les bises de grand-mère qui dégoûte la bise. Avant la paix. Malédiction, mon réalise, n'en déplaise, causons. Conversion par anamnèse, en caisse à froid, ma front. dépense de vermouth sec. Quand on rentre dans la place, on garoche des bouteilles dans vos faces. On est les plus fans. On détruit tout ce qu'on remplace. Agit comme des fucking rapaces. Bois de l'alcool en masse. Mon jargon craque, pour attention, ça peut faire du tort. C'est qu'on met dans le mentor, quand je sors des affronts, on m'adore. Je demande pas de permission, quand je te place en rémission. J'ose le don, c'est ma mission, je suis missionnaire. Du son, pas des missionnaires, oh non, mais d'être un peu vulgaire. Ma cause, je la sers, mon hip-hop, je sers au dessert. Mon étau, je le sers, puis ta tête, j'en fais de la crème pâtissière. Laisse faire, laisse mon flow déconstruire l'univers. Tous, univers, une idée, je dois faire l'unité. De faire unitaire, c'est un acte de guerre plus clair que le pense à l'aide des guerres comme un militaire. Je couvre mes arrières, pamphlétaire révolutionnaire. J'ai des axes George Bush, l'axe du mal, j'en fais du ex. L'axe relax, max, prends-toi une Molson X parce que je flex avec ton ex. Je suis prince de la prose, avec principe, je propose autre chose. J'impose ma cause, c'est grandiose, c'est garanti que j'ose. Dans quelques instants, la suite de notre programme. Quand on rentre dans la place, on garoche des bouteilles dans vos faces. On est les plus fans. On détruit tout ce qu'on remplace. Agit comme des fucking rapaces. Bois de l'alcool en masse. Je t'ai né d'être malade! Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours La Marge, 83 FM, CISM, Sandré Péloquin qui t'amuse à son micro. Oh non, à sa santé, ça passe après votre amusement à toi, public de cette radio universitaire. Oh! Est-ce qu'on les aime, nos auditeurs, pendant qu'on est en train de mourir et de suer au micro d'une grippe terrible? Sandré Péloquin, animateur de Plectrum, la grande traversée du jeudi, dernière édition, car je devrais mourir au bout de mon souffle dès 18h. En attendant, on vient terminer avec Nul, c'est découvert. C'était la pièce Licence complète tirée de leur album Yehou, le hip-hop pour les fans de NSD. 22 juin à la Sala Rossa, c'est ce soir. Allez-y, amusez-vous. Un peu avant, on avait Amelaz avec sa pièce Je veux être un bisounours. C'est tiré de son sample du même nom. Un peu avant, on avait Charlie Green avec Boule de Flipper. Et on a débuté avec Yel. C'était la pièce Short Dick Cuisy. On va terminer cette première heure avec des pièces souvent tristes et malheureuses qui parlent un peu de moi et de mon état de santé en ce moment et de comment je me sens pendant que je t'amuse, pendant que tu es au volant de ton auto ou que tu laves la vaisselle chez toi. Public terrible qui m'oblige à dire des niaiseries pendant que je suis en train de suer des perles de sang tellement je souffre. On va avoir entre autres du Monsieur Mono avec la pièce La Valse perdue. On va avoir du Nicolas Huard et sa pièce 4 à Mexico pour les fans de Nick Heward, 24 août à l'Escogriffe en compagnie de l'excellent Brian Seeger. On va aussi avoir du Avec Podcast avec leur pièce La pire journée au monde. En parlant d'Avec Podcast, ils seront en concert le 7 juillet prochain au Quai des Brumes en compagnie de Yesterday's Ring. Et pour poursuivre dans cette même veine, Monsieur Lafleur, le chanteur de ce duo, eh bien, c'est aussi un cinéaste et il vient d'obtenir un financement comme Denis Arcand, comme les vrais de vrais, pour un film qui va s'appeler Continental, un film sans fusil. Alors, félicitations, Monsieur Lafleur, et continuez de faire de l'excellente musique. On va aussi avoir, on va terminer cette heure avec Sonny Duval. Sonny, lui, il va être en concert le 7 juillet, lui aussi, mais à l'Impérial de Québec, en compagnie de ses cohortes de bon sound, comme le nombre, etc. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des dons en argent pour la famille qui va m'enterrer parce que je suis présentement à l'article de la mort, acheminez tout ça à plectrumcsm@hotmail.com. J'ai aussi un site web, c'est le christineyoung.com. Oh God! Je fais tellement fièvre que je dis n'importe quoi. C'est le plectrumcsm.blogspot.com. CISM aussi, son site web est My God, il est pimpant. C'est au cism893.ca. Et je vous invite à visiter ma balado, copodmodernisme.blogspot.com. Pleurons tous ensemble sous les rythmes effrénés de la valse perdue de M. Monod sur la marge de 83 FM, CISM. Le temps vient d'arrêter la nuit. La lune est cachée sous mon lit. Il est si J'irai bien voir Cap sur le sud. Comment va ta vie et les études? On me dit que t'es heureuse. Ouais. J'ai su que t'avais trouvé ton appartement style colonial, mais on s'entend. Rien de snob, je te connais tellement. J'irais bien me perdre dans ton pays, où c'est l'été longtemps. J'irais bien me perdre ailleurs, parce qu'ici, je suis perdu. J'apporte ma guitare, je pourrais jouer pour me payer quoi à boire. J'avoue que c'est tentant. Reste plus qu'à me trouver un emploi ici, travailler pour un vol pour Mexico. J'irai te perdre dans ton pays où c'est l'été longtemps. J'irai te perdre ailleurs parce qu'ici je suis perdu tout autant. Ouais, tout autant. J'irai te perdre dans ton pays. C'était long, long, long. J'irai bien me perdre ailleurs, parce que si je suis perdu. Machine à liqueur grande plus que toi. portefeuille de fées qui pèse toujours de temps. De un vieux matelas qui se cherche un lit où y a personne. Je m'en fous, j'ai pas le goût, je m'en...